Démarrage massif, seul marrage massif. Les bonnes pistes se font rares comme trouver un futur prêt dans ma street. Dissert silence, check-moi si tu kiffes le 11. Si je tue au mic, mets une minute de silence. Viens du 91. L'instru, je lâche ça, je lave mon linge sale. Fuck les hazards dans le réseau, le bruit court que le rap ça marche pas. Maqué au narco, petit connard, respecte mon argot. Bec mon dargo, sans prise de bec. Je perdure, perdure, perce c'est hyper dur. Chant du coq, j'entends plus. Il a dû se manger une cuve perdue. Je suis un missionnaire qui vit avec son air. Un zonard, tu peux pas comprendre, même avec un dictionnaire. Nique sa mère. À bout de souffle, j'en pas la joue, même si j'échoue. Ici trop de cut me chouffe. Je manque de peine, mais trop de se vit sous le bonnet. Pas à l'abri, prendre une peine à cause d'un bouffeur baigné. Je fais mes high, j'ai plutôt pouvoir. Catch alors, ça vient mitrailler. Prête ton palier, tu peux pallier que le style emploi. Celui d'un fou allié, balance les billets, après qu'on ait balayé. Les imposteurs au flot rouillé qui n'arrêtent pas de crier. Méfiez-vous de nous quand on vient plier. Entre les MC merdeux qui rentrent chez eux roupillés. A nous de briller, essaie de nous défier. Et tu finiras en centre après qu'on t'ait crié. On vit tous dans les logiques, on perd notre temps avec ce qui flic indique. Personne nous aime, tout le monde nous jette quand on rapplique. Je m'adresse à ma clique, de ma fleur vite dans le ghetto c'est pire qu'athlétique. Illogique, qu'un monde de 12 ans c'est que pour des belles pompes sur vêtements faux bicraft c'est que illogique, plus le temps passe plus faut des sous. Face à ça je reste indécis, c'est trop compliqué, je peux même pas t'en faire un dessin. Illogique, que pour nous y'ait pas de taf. En attendant, précaution pour pas que les keufs me coffent. À l'intérim, c'est le même tarif que tu t'appelles Abdoulaye ou Tariq. Et ça me fait pas rire que des plans foireux, l'état on s'en tape, qu'ils aillent faire foutre tous ces enfoirés. Illogique que tant de mecs de la France veulent t'étaler. Mais où aller quand par rapport aux autres mecs, t'es décalé, t'es décalé. Ça vient mitrailler, prête ton palier. Tu peux pallier que le style employé, celui d'un fou allié. Balance les billets après qu'on ait balayé. Les imposteurs au flot rouillé qui n'arrêtent pas de crier. Méfiez-vous de nous quand on vient plier. Entre les MC merdeux qui rentrent chez eux roupillés. A nous de briller, essaie de nous défier. Et tu finiras en centre après qu'on t'ait crié. Qui que le mic, appelle les flics, pas diminique. Dis-moi c'est quoi le hic, prends pas 10 minutes. Le temps c'est du fric en vic, la tactique. Les corps sont le kick, j'ai le tic et en amour. Le beat est magique quand j'ai la trique de le kick. Et mon beat est technique, mes mots sont uniques. Tu flanques, je te nique, vraiment je m'applique. Dans ton artistique, maintenant pas de panique, j'explique. Quand je pose ça se complique, rapplique. Avec ta clique comique, tu vois que c'est chic les briques. J'écarte comme un stick, c'est grave sous un stick. Sur le biche des beats, grand comme l'Antarctique. Et des mecs disent qu'ils ont une bite, mais elle est en plastique. C'est grave dramatique, t'es pathétique. T'as du rap maléfique, un peu sympathique. Et peu poétique, mais pas politique. Et c'est pas pour les types gays, pas pour les mickey. Parle si t'es muet, faux polémique. Sur le rap typique, des trucs truqués. Un choc, à choquer, l'attaque, attaquer. Du flow pour niquer, battre tout le public. Ça vient mitrailler, prête ton palier. Tu peux pallier que le style employé, celui d'un fou allié. Balance les billets, après qu'on ait balayé. Les imposteurs au flow rouillé qui n'arrêtent pas de crier. Méfiez-vous de nous quand on vient plier. Entre les MC merdeux qui rentrent chez eux roupillés. A nous de briller, essaie de nous défier. Et tu finiras en centre après qu'on t'ait crié. Généralement j'agrippe le mic de la main droite. Si y'a un spiff dans la main gauche, cette assistance va prendre une claque, j'insiste. Pour avoir toujours les phrases adéquates. Car mes pistes au mon place seul représentent toute une escouade. Je suis partagé entre l'un de vous en les escouades. Le commercial et les escouades. Dans tout ça il faut que tu fasses quoi, enfin soit. Ça m'empêche pas de dormir chaque soir à cette heure-ci. Beaucoup perdent mais combien peuvent encore s'asseoir. Je reste à fond dans mon truc et ça à soi. Représente à chaque fois, rien n'a pas dit ça à fond. Le truc c'est saveur et savoir. Mais du rap ça reste à voir. Même si le meilleur reste à vendre. Dans la relève y'a des savants. On a vu si c'était ce bon, rien d'ici. Tu veux tester, t'as rien compris. C'est diable du mic, baby, qui possède un indéfinissable style aux facettes. Infini, indéfini. D'ailleurs, on aimerait pouvoir remettre les bidets que je finis. Ça vient mitrailler, prête ton palier. Tu peux pallier que le style employé, celui d'un fou allié. Balance les billets après qu'on ait balayé. Les imposteurs au flot rouillé qui n'arrêtent pas de crier. Méfiez-vous de nous quand on vient plier. Entre les MC merdeux qui rentrent chez eux roupillés. A nous de prier, essaie de nous défier. Et tu finiras en centre après qu'on t'ait crié. Ça vient mitrailler, prête ton palier. Tu peux pallier que le style employé, celui d'un fou allié. Balance les billets après qu'on ait balayé. Les imposteurs au flot rouillé qui n'arrêtent pas de crier. Méfiez-vous de nous quand on vient plier. Entre les MC merdeux qui rentrent chez eux roupillés. A nous de prier, essaie de nous défier. Et tu finiras en centre après qu'on t'ait crié.